Alors, vous le savez sans doute, le Petit Prince fête cette année son 70e anniversaire. Alors, c'est l'occasion d'en parler, évidemment. C'est l'occasion de toute une série d'événements, dont une réédition en album du Petit Prince qui arrivera vers ce printemps. Alors, je ne fais pas ma publicité personnelle en termes financiers parce que je ne gagnerai rien, je vous rassure. Mais par contre, si le texte de cette conférence vous intéresse, je me suis basé pour le produire sur un article, une sorte de préface qui accompagnera cette réédition, donc qui viendra au printemps. C'est l'occasion de vous faire plaisir avec ce qui devrait être un bel objet, avec d'autres illustrations inédites, etc. etc. C'est aussi l'occasion de s'interroger sur le succès de ce texte-là, qui est, à ma connaissance, singulier dans l'histoire de la littérature française. Le Petit Prince n'a pas démarré très très fort, contrairement à d'autres livres de Saint-Exupéry de son vivant. Mais par contre, il est ce qu'on appelle un long-seller, et c'est même probablement le long-seller numéro 1 de la littérature française. Si en rentrant au bureau tout à l'heure, vous allez voir sur Amazon dans la liste des meilleures ventes, il se classe pour l'instant en 55e place, et pour ce qui est de la littérature jeunesse, en 5e place. Si on s'intéresse aux ventes de la maison d'édition qui produit ce livre, Gallimard, Le Petit Prince est, de manière égale, chaque décennie, la meilleure vente de Gallimard sur les 10 ans rassemblés depuis la décennie des années 50, je crois. C'est donc un événement culturel important que ce livre. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un regard sur cet événement pour essayer d'en comprendre l'origine, pour essayer de comprendre aussi l'importance que ce petit texte infantile a pris dans notre culture et dans l'histoire de la littérature en général. Donc, je vais articuler ça en 3 ou plutôt 4 temps. M'intéresser aux origines de la fable, ses origines biographiques, en dire un petit quelque chose d'inédit, je crois. Vous parlez ensuite du mythe de l'enfant éternel. Qu'est-ce que c'est que ce personnage d'enfant divin, d'enfant qui ne grandit pas? Que signifie-t-il dans l'œuvre de Saint-Exupéry? Que signifie-t-il de manière générale dans la culture, pas seulement occidentale, mais en fait universelle? Et puis, je vous parlerai de la morale de l'histoire, le but n'étant pas évidemment de vous édifier, mais de comprendre comment fonctionne le Petit Prince, c'est-à-dire comment, en tant que conte, il nous amène à une morale, et quelle est cette morale, ce qu'elle signifie. Et si on a le temps, je terminerai par un petit épilogue à propos de deux réécritures du Petit Prince. Le Petit Prince est devenu un mythe littéraire, c'est-à-dire qu'il est réexploité aujourd'hui par d'autres auteurs, alors dans des veines parfois très différentes. Vous avez peut-être déjà vu les dessins animés qui passent pour l'instant sur les chaînes françaises, aux heures où les enfants écoutent. Il y a d'autres réécritures, on va dire, plus ambitieuses sur le plan artistique. J'évoquerai deux de celles-là, celle qu'a faite Hugo Pratt en 1994 et une autre par Johannes Farr, qui est plus récente, qui date de 2008. Avant tout ça, je vous fais un petit rappel concernant Saint-Exupéry pour que vous ayez bien en tête le cadre finalement de la naissance du Petit Prince. Il est né en 1900. Sa carrière d'écrivain et de pilote, il la commence à peu près en même temps, c'est-à-dire que comme tout le monde, il fait d'abord des essais en tant que pilote, il fait d'abord des essais en tant qu'écrivain qui ne fonctionnent pas forcément ou qui se font à petite échelle. Mais c'est vers 1926-1927 qu'il commence réellement sur les deux fronts en même temps, en fait. C'est-à-dire qu'il va être engagé par la TCOR, qui deviendra l'aéropostale, sur la première ligne d'aviation postale internationale, qui fait au départ Toulouse-Casablanca, puis qui va aller jusque Dakar, puis jusque Buenos Aires, et s'aimer dans toute l'Amérique latine. C'est aussi à ce moment-là qu'il écrit son premier roman, Courrier Sud, qui paraîtra en 1929. Le succès viendra en 1931 avec Vol de nuit, mais c'est en même temps aussi que Saint-Exupéry démissionnera de l'aéropostale, qui est prise dans des scandales financiers, enfin, qui est devenu en fait un enjeu tel que Air France va vouloir se l'approprier, ce qui va entraîner une série de démissions, de mini-scandales qui vont faire que Saint-Exupéry va démissionner. C'est aussi à ce moment-là qu'il va abandonner pour un temps le roman, c'est-à-dire que, comme il l'explique dans sa correspondance, beaucoup de ses collègues aviateurs ont assez mal pris qu'il se fasse un nom, une célébrité, une notoriété, sur le dos d'un héroïsme qu'ils partageaient tous, et il ne va plus vraiment écrire de roman pendant une dizaine d'années. Pendant ce temps-là, il va faire toute une série de raids à travers le monde, qui vont tous, malheureusement, se solder par des échecs, mais heureusement, les échecs sont parfois plus beaux que les réussites en littérature, et ce sera l'occasion de pas mal d'épisodes passionnants. De Terre des Hommes, qui est un texte qui va rassembler toute une série de reportages qu'il aura fait dans les années 30, en Espagne, pendant la guerre civile, à Moscou, aussi d'histoires dont il aura fait des articles, d'histoires de raids manqués, comme par exemple celui de Libye en 1935, dont je vous reparlerai, qui a conduit Saint-Exupéry très très près de la mort. Il en est vraiment sorti par miracle, si je puis dire. Et c'est André Gide qui va lui conseiller, en entendant toutes ces histoires, d'essayer de refaire un livre à partir de ça, et c'est ça qui va le relancer dans sa carrière littéraire en 1938-1939. 1940, vous connaissez la suite des événements. Saint-Exupéry, aviateur, est mobilisé. Il se bat pendant la campagne du printemps 1940. Il y survit, contrairement aux deux tiers de ses camarades d'aviation. Il vole un avion à Bordeaux, s'envole pour l'Afrique du Nord, où il espère que le combat va reprendre, comme beaucoup de Français à ce moment-là. Vous connaissez également la suite, c'est l'armistice déclaré par le maréchal Pétain. Saint-Exupéry, lui, va partir en exil aux États-Unis, où il va essayer de... ça devrait revenir dans une minute. Où il va essayer de mobiliser l'opinion publique pour une entrée en guerre des États-Unis. Ce qu'il fera avec un roman suivant, Pilote de guerre, où il raconte... Je sais pas pourquoi ça s'arrête. Qu'il écrira pour rendre compte de cette expérience-là. Alors, il arrivera juste un petit peu trop tard. C'est-à-dire que les États-Unis seront rentrés en guerre en décembre 1941 et son livre va paraître en février 1942. Bon, qu'à ça ne tienne, il restera 6 mois à la tête des ventes aux États-Unis. Saint-Exupéry a vraiment été une figure importante à cette époque-là. D'ailleurs, ses 3-4 derniers livres paraîtront d'abord en anglais aux États-Unis. C'est le cas de Terre des Hommes, de Pilote de guerre, du Petit Prince, qui paraît en 1943 aux États-Unis, qui ne paraîtra qu'en 1946 en France, même s'il a déjà paru en français à New York. Et puis, en 1944, il va recommencer à se battre pour l'armée américaine, l'armée française, et il mourra quelque part en Méditerranée, comme vous le savez tous, je crois. Il n'aura donc pas vraiment pu goûter le succès de ce qui n'est pas en fait son dernier livre. Il publiera encore un petit ouvrage qui s'appelle « Lettre à un otage » quelques mois après la publication du Petit Prince, qui survient donc en avril 1943, il y a 70 ans. Très déconcertant. Et donc, au moment où paraît ce bouquin-là, en 1943, ça a été une surprise un petit peu pour tout le monde. C'est-à-dire que le public n'attendait pas qu'un aviateur aussi célèbre que lui, qui trustait la tête des ventes de livres depuis des mois, des années, avec des ouvrages qui parlaient d'aventure, qui parlaient d'héroïsme, publie en pleine Seconde Guerre mondiale, à laquelle il avait participé, continuerait de participer, publie une sorte d'écrit régressif, un conte pour enfants. Il y a donc une similitude, finalement, entre l'apparition, le surgissement de ce livre-là dans le champ de la culture européenne et occidentale en général, et le surgissement du Petit Prince à l'intérieur du livre, qui fait écho à cette surprise. C'est-à-dire, comme vous en avez peut-être le souvenir, si vous avez lu Le Petit Prince récemment, le départ de l'histoire se situe dans le désert du Sahara, où un aviateur est en panne et essaye de réparer son avion pour se tirer de ce mauvais pas. C'est à ce moment-là que surgit, par magie, en quelque sorte, un petit personnage qui va venir le déranger dans ses occupations, non pas comme on pourrait s'y attendre pour l'aider à réparer son avion et à se tirer de là, mais parce qu'il a une demande tout à fait insolite, tout à fait incongrue, en fait, celle d'avoir un dessin d'un mouton qui lui demande dans des mots qui sont restés mondialement célèbres, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Donc ce texte constitue une apparition inattendue, non seulement dans la carrière de Saint-Exupéry, mais aussi dans le contexte plus général de la guerre. Je pense que cet aspect incongru a orienté depuis le début, finalement, la réception de cette œuvre-là, réception qui va se faire de manière soutenue et en termes de vente, mais qui, en termes de réception intellectuelle, académique, va toujours poser problème. Pourquoi ? Parce que cela vient d'un aviateur qui avait écrit d'autres genres de textes auparavant, et aussi parce que ce texte, parce qu'il apparaît dans un contexte historique particulier, a été vu, a été compris comme une forme de négation de la réalité, comme une forme de régression dans une espèce d'imaginaire infantile, et donc comme quelque chose d'assez négatif, d'un nom qu'on adresserait à la réalité du monde. Je vais essayer de voir comment on peut aller au-delà de cette interprétation qui est un petit peu réductrice. Mais pour d'abord essayer de comprendre pourquoi Saint-Exupéry a écrit ce texte-là en 1943, revenir sur quelques éléments de sa vie à lui. Alors s'il y a un moment de sa vie personnelle d'aviateur qui correspond tout à fait à la naissance du Petit Prince, c'est l'accident de Libye ou d'Égypte, c'était à la frontière des deux pays que ça s'est produit, en 1935, au mois de décembre 1935, vous allez voir que c'est pas innocent que ça se soit passé aux alentours de Noël. Cet accident, Saint-Exupéry le raconte, c'est un des plus grands épisodes de Terre des Hommes, en disant qu'il était tranquillement en train de survoler le désert du Sahara de nuit. Il faisait un raid Paris-Saigon. À l'époque, les milliardaires mettaient, si vous voulez, un prix sur la table, X millions de francs, et le premier aviateur qui parvenait à rallier Paris-Saigon en moins de X jours le recevait. Et donc des gens comme Saint-Exupéry, qui avaient les poches percées, attendaient de répondre à ce genre d'appel. On dit souvent qu'il l'a fait un petit peu en vitesse, qu'il ne s'est pas beaucoup préparé pour celui-ci, ce qui explique peut-être son accident. Il a fait une erreur, il croyait qu'il était plus loin, qu'il était déjà sur les plaines du Nil. Il était en fait encore à la frontière de la Libye et de l'Égypte. Il y avait de la brume, il est descendu à 300 mètres d'altitude pour voir où il se trouvait. Et malheureusement, le plateau qu'il survolait se trouvait à 300 mètres d'altitude. Il l'a donc raclé, on va dire. Bon, à l'époque, évidemment, il ne disposait pas de tous les instruments que vous connaissez aujourd'hui. Donc, quand on raconte la vie de Saint-Exupéry, les gens concluent souvent que c'était un mauvais aviateur parce qu'il s'est planté un nombre incalculable de fois. Pas toujours de sa faute, d'ailleurs. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, quand Saint-Exupéry est mort en 1944, tous ses collègues de l'aéropostale étaient morts avant lui. Tous abattus dans l'aviation, crachés, enlevés par les morts dissidents du Sahara, etc., etc. Peut-être était-il un petit peu distrait et avait-il, comme le petit prince, la tête dans les nuages, mais avoir survécu jusqu'à 44 ans pour un aviateur de cette époque-là, c'est plutôt une grande réussite. Bref, quand il raconte cette histoire, il dit que ce qui a provoqué son crash, c'est qu'il a vu une étoile verte émerger devant lui, rayonnante comme un phare. Il ne savait donc pas s'il s'agissait des feux d'une escale, ou d'une ville, ou d'une étoile. Et il parle là d'un astre de roi mage qui va suivre cet astre, ce qui va le conduire au désastre. Alors, c'est un appel lointain du petit prince, qui sera en quelque sorte aussi un enfant divin, comme celui que l'apparition de l'étoile des rois mages annonce, l'enfant divin du christianisme populaire. Et d'ailleurs, Saint-Exupéry, après son crash, raconte qu'il a suivi, contre toute logique, la direction du nord-est, qui est, pour l'endroit où il s'est trouvé, la direction de Jérusalem et de Bethléem, pour s'en sortir. Et, a posteriori, il ne savait pas évidemment à ce moment-là à quel endroit exact il se trouvait, c'était la seule direction qui aurait pu le sauver. Il aurait pu aller dans toutes les autres directions, plus logiques, sud, ouest, nord, sud. Il n'aurait rien rencontré. Il était vraiment trop au milieu du désert pour pouvoir trouver de la civilisation autour de lui. Ce qui l'a sauvé, c'est qu'il est tombé tout juste, et par le plus grand des hasards, sur une caravane de Bédouins qui traversait le désert à ce moment-là, et qu'ils l'ont sauvé. Donc il a une chance miraculeuse. Et ce qui est intéressant, c'est quand on relit ce texte avec le petit prince en tête, on y trouve toute une série d'annonces, en fait. C'est-à-dire que Saint-Exupéry est là, menacé de mort. Il a quelques jours, son réservoir d'eau a été crevé par le crash. Il a quelques jours pour retrouver la vie, retrouver la civilisation. Il part dans une direction complètement farfelue. Et sur sa route, il trouve des pas de renard. Et il raconte qu'il va s'asseoir près d'un terrier, qu'il va engager un dialogue intérieur. Il s'imagine son petit renard, vous savez quelle place il prendra dans le petit prince. Et au fur et à mesure que la soif va commencer à avoir raison de sa santé mentale, au fur et à mesure du temps, il commencera à avoir des mirages, à avoir des pensées farfelues. Il va s'engager un dialogue, en fait, dont il relate les grandes lignes dans Terre des Hommes. Un dialogue entre la part de lui qui s'accroche à la raison, qui dit « tu vas mourir, il n'y aura pas de sauvegarde, t'es foutu, il n'y a aucune chance », et l'autre qui dit « regarde ce mirage là-bas, ou cette croix sur cette colline, peut-être que ça annonce une sauvegarde ». Il y a comme ça une lutte entre la part de lui qui choisit la raison, et la part de lui qui choisit l'imagination, et le rêve, et l'espoir. Et finalement, c'était la part d'espoir qui avait raison, contre toute attente. Et ce dialogue, finalement, c'est à partir de cette... en tout cas, c'est ce que je pense, de ce début de dialogue que va pouvoir se déployer le petit prince, qui est en quelque sorte une mise en intrigue de ce noyau narratif là. Alors bien sûr, il y a d'autres sources dans la vie de Saint-Exupéry. Il y a des enfants morts dans tous les livres de Saint-Exupéry. Alors, du point de vue de sa biographie, on peut associer ça au fait que Saint-Exupéry a perdu son frère quand il était adolescent. Donc lui-même avait 17 ans, son frère en avait 14. Il est mort, il en parle dans un de ses livres. Mais dans chacun des livres de Saint-Exupéry, il y a un petit épisode, en fait, qui annonce déjà le petit prince. Donc, Courrier Sud, son premier livre, déjà, c'est un livre qui parle d'aviation et d'une histoire amoureuse, foireuse, bref. Mais le livre se raconte comme un dialogue à distance entre un aviateur qui est coincé dans le désert du Sahara où il a la responsabilité d'une escale. C'est la situation qu'occupe Saint-Exupéry dans sa vie au moment où il écrit ce roman. Et un aviateur qui est en plein dans une histoire sentimentale compliquée et qui ressemble très fort à ce qu'était Saint-Exupéry juste avant de partir, lorsqu'il était en France, qu'il a été fiancé à la très belle Louise de Villemorin, qui viendrait romancière, qui serait la dernière femme d'André Malraux. et dont il a toujours eu du mal à se remettre de sa rupture avec cette jeune femme. On a édité il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, des lettres de Saint-Exupéry, dans lesquelles il dit à cette Louise de Villemorin, « Tu vois, j'ai écrit ce roman parce que cet enfant faible que tu m'accusais d'être, trop sentimental, j'ai voulu m'en débarrasser, j'ai voulu l'envoyer buter dans une étoile. » Ce sont les mots qu'il utilise. Et donc, en quelque sorte, lorsqu'il écrira Le Petit Prince, il va aller rechercher cet enfant sentimental qu'il était, il va revenir à sa rencontre, et il va s'en trouver un dialogue plus enrichi que le final de Courrier Sud, où finalement, au final de Courrier Sud, eh bien cet enfant, il disparaît dans le désert, on n'en sait trop rien. Il est question de ça dans Vol de nuit, je ne développerai pas. Dans Terre des Hommes, vous vous rappelez peut-être que ce texte se clôture sur la fameuse image que vous n'associez d'ailleurs peut-être pas à Saint-Exupéry du Mozart assassiné, cette phrase vient de lui, contrairement à beaucoup d'autres qu'on lui attribue sur Internet et qu'il n'a jamais prononcé. Cette citation est bien de lui. Il est dans un train, il observe des voyageurs, des travailleurs polonais qui sont renvoyés chez eux après avoir été travailler dans des mines en France. Et parmi toute cette foule assez misérable, il faut bien le dire, il repère un enfant magnifique, blond, comme un fruit doré, dit-il. Et cet enfant-là ressemble à s'y méprendre au Petit Prince. Et ce que dit Saint-Exupéry à ce moment-là, qui est un petit peu le cœur de sa pensée politique, on va dire, c'est « Peu m'importe, moi, leur pauvreté, leur laideur, leur tristesse, ce qui me chagrine, c'est en chaque enfant comme celui-là, un Mozart assassiné. » Et donc, le retour du Petit Prince, quelques années plus tard, illustre cette volonté de s'emparer de cet enfant, s'enfermer en lui, et de lui donner un futur, de lui donner un avenir, l'avenir d'image retrouvée. Alors, vous voyez pas grand-chose sur le PowerPoint, je ne sais pas à quoi c'est dû. Donc je vais... je vais le débrancher, ce sera plus facile pour moi. Ça a marché une seconde, mais ça doit être le connecteur qui pose problème. Alors ça, ce sont les sources du Petit Prince dans l'œuvre et la vie de Saint-Exupéry. Mais ce personnage-là, bon, désolé, on va abandonner ça parce que du coup ça clignote chez moi et j'arrive plus à lire mon texte. C'est aussi un personnage qui, d'après Carl Gustav Jung, un des fondateurs de la psychanalyse que vous connaissez peut-être, qui erre à travers les mythologies de tous les temps et de tous les lieux. Ce serait, d'après lui, une structure, je lis donc une citation de Jung, une structure archétypique psychique provenant des âges les plus reculés, qui représente une image fidèle d'une conscience humaine indifférenciée. Alors Jung ne parle pas du Petit Prince. Une de ses assistantes, Marie-Louise von Franz, fera un travail sur Saint-Exupéry. Lui-même ne s'y est pas directement intéressé. Il s'est intéressé aux manifestations de ces images, de ces personnages d'enfants éternels dans la littérature mythologique mondiale. C'est-à-dire non seulement dans les traditions grecques et romaines, mais aussi amérindiennes, par exemple. Il a essayé de montrer que finalement, ce genre de petit personnage incarnait quelque chose qu'il appelle un archétype, et qui est une structure universelle de la pensée, c'est-à-dire une possibilité de penser qui serait commune à tous les êtres humains. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, pour comprendre, mieux comprendre le Petit Prince, c'est que Jung, dans les histoires et dans notre psychologie, ce personnage a toujours la même fonction. Il a une fonction compensatrice, c'est-à-dire qu'il incarne ce que nous sommes avant que nous soyons devenus des adultes définis par leur métier, leur lieu de résidence, etc., ce que nous sommes dans notre potentialité indifférenciée, avant que la société, le monde, avec ses intimations, nous impose d'agir comme cela, nous impose de devenir comme cela. Et le Petit Prince commence par une histoire comme celle-là. Si vous en avez le souvenir, le narrateur parle de l'âge de l'époque où il était jeune enfant, où il avait 6 ans, c'est-à-dire l'âge précisément où on rentre à l'école primaire, où on rentre dans le monde symbolique des adultes en apprenant à écrire. Et à cet âge-là, on lui a dit « Arrête avec tes dessins d'éléphants ouverts ou fermés », que je ne peux pas malheureusement vous montrer ici, mais je pense qu'on a tous ces dessins en tête. « Intéresse-toi plutôt à la géographie, aux mathématiques, etc. » Et dit-il, bah, « C'est ce que j'ai fait, je suis devenu aviateur. » Alors il se moque doucement de ces connaissances-là et dit « Je vous avoue que c'est très utile quand on survole, quand on vole de nuit, de savoir reconnaître du premier coup d'œil l'Arizona de la Chine. » Mais bon, finalement, une existence qui n'est pas si mauvaise que celle-là, mais à un moment de sa vie, à l'âge adulte, il se retrouve au milieu de nulle part, c'est-à-dire en plein désert, qu'on peut interpréter comme le désert du Sahara, le lieu effectif de la géographie planétaire, mais aussi comme une situation, une sorte de midlife crisis, où on se retrouve finalement isolé parce qu'on a coupé les racines de sa propre psychologie, qu'on a coupé le contact avec cet enfant divin qui à cette occasion, ben, va se manifester de manière très merveilleuse dans le cas du conte de Saint-Exupéry. En tout cas, c'est comme ça qu'il a interprété ce retour de l'enfance qui va lui faire reprendre ses pinceaux et dessiner un conte pour enfants. Il faut mesurer ce que c'est que cet acte-là. Pour quelqu'un qui est un auteur admiré dans le monde entier, considéré comme un héros, connu à peu près partout en Occident, considéré comme un des porte-parole de la France en temps de guerre par les Américains, quelqu'un qui a écrit des romans sérieux, qui est préoccupé d'affaires sérieuses, qui parle à la radio assez souvent aux Américains pour leur dire « Vous êtes la plus grande démocratie du monde, vous devez nous aider à lutter contre les nazis ». Pour que quelqu'un comme ça, tout à coup, arrête tout dans sa vie et dise « Maintenant, je vais écrire un conte pour enfants, ce sera un conte illustré avec des aquarelles, je ne suis pas un grand peintre, excusez-moi, j'ai arrêté ma carrière à 6 ans, et donc je vais vous faire des dessins d'enfants de 6 ans ». C'est donc une forme de retour en arrière énorme. Et c'est ce qui explique que beaucoup de gens vont juger ça de manière très négative. Je dis tout à l'heure que Marie-Louise von Franz, donc une des assistantes de Carl Gustav Jung, va écrire un livre sur Saint-Exupéry et sur le Petit Prince, dans lequel elle dit, ben, vous voyez, Saint-Exupéry, c'est quelqu'un qui n'a jamais su grandir. C'est quelqu'un qui était fasciné par les sports dangereux. Ce genre d'individu garde une psychologie adolescente toute sa vie. Ne sait pas s'attacher aux choses. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'a pas eu d'enfant, il n'a jamais eu de relation très stable. Saint-Exupéry était un don juan invétéré, c'est une chose qu'on sait moins de lui, mais c'est la vérité. C'est quelqu'un qui risquait sa vie à tout bout de champ et qui donc n'a jamais réussi vraiment à avoir les pieds sur terre, si vous voulez. Et d'après elle, ben, le Petit Prince serait une sorte de manifestation de cette incapacité à grandir. Le Petit Prince serait un retour en arrière, une régression anomalique qui ne veut pas affronter la réalité et qui se replie, en quelque sorte, sur ses arrières, sur sa part infantile et imaginaire. Alors, c'est une façon assez négative de voir les choses. Je caricature un petit peu ce que dit Marie-Louise von Franz. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de voir les choses autrement, de manière plus complète. Alors, bien sûr, il y a régression, puisqu'on retourne vers le passé oublié de l'enfance. Et Saint-Exupéry n'en est pas à son coup d'essai. Pilote de guerre, le roman de guerre qu'il a écrit un an auparavant et qui a fait vraiment un succès immense, dans lequel il raconte une mission de guerre, commence comme ça. Il dit « J'ai 15 ans, je rêve, je fais un problème de géométrie ». Donc son escadrille a été logée dans une ancienne école, et il s'imagine qu'il est adolescent et que tout va bien, et qu'il va pouvoir jouer aux cartes avec ses camarades, puis sortir fumer une cigarette, alors qu'il le sait bien, ce qu'il est en train d'attendre, c'est que son capitaine arrive, lui dit « C'est maintenant », et qu'il part pour une mission de reconnaissance au-dessus d'Arras, Arras qui est occupé par les Allemands, qui va devoir survoler à 700 mètres d'altitude pour prendre des clichés, et avec, je dirais, 2 chances sur 3, 3 chances sur 4 d'y rester, puisque, comme il explique, à cet auteur-là, il est accessible à tous les calibres, donc il suffit qu'un militaire, le voyant passer, tire avec une simple carabine, il peut l'atteindre. C'est d'autant plus vrai, évidemment, pour le tir des défenses anti-aériennes. Mais ce que dit, pour revenir à Jung, ce que dit Jung de cet archétype de l'enfant divin, c'est que, bien sûr, il manifeste une forme de régression vers le passé. Mais considérer que l'enfant est simplement une image du passé, c'est se tromper à moitié. Parce que l'enfant, c'est aussi l'avenir de l'homme. C'est comme ça que l'homme continue à vivre, c'est en faisant des enfants. Et donc, il invite à interpréter le surgissement dans les histoires de ce type d'enfant, comme Peter Pan, par exemple, non pas uniquement comme une volonté de rester coincé dans le passé de l'enfance, d'y être enfermé dans le pays de nulle part, mais aussi la possibilité de recommencer sa vie, de retrouver des forces ou des potentialités qui avaient été ignorées jusque-là par une conscience qui avait choisi une direction et seulement celle-là, et qui ignorait de fait toute une série d'autres potentialités. Alors, le Petit Prince commence donc par des images très très fortes de régression. On a un fauve qui est dévoré par un serpent boa, et puis on a cette fameuse image qui ressemble à un chapeau, qui montre un éléphant dans le boa. Alors bon, vous savez évidemment que les boas ne sont pas capables d'avaler des éléphants, mais c'est une image assez parlante, qui, d'après les psychanalystes, les psychologues, manifeste quoi ? Un fantasme de ce qu'on appelle le regressus ad uterum, c'est-à-dire le retour dans le sein de la mère. C'est un fantasme de retour en arrière, dans la protection d'une vie dans laquelle on n'a aucune responsabilité, aucune existence autonome, si vous voulez. Ça, c'est le premier chapitre, il s'ouvre là-dessus. Ensuite, quand le Petit Prince se manifeste, au deuxième chapitre, l'aviateur est là, préoccupé de choses quand même assez importantes. S'il ne répare pas son avion, il va y rester. Et le Petit Prince arrive avec des préoccupations très, très éloignées de celles-là. Il veut d'abord un dessin d'un mouton, Ensuite, il va raconter un petit peu son histoire. Ensuite, il veut absolument savoir pourquoi les roses ont des épines, à quoi ça sert. L'aviateur lui répondra « Bon, ben maintenant, ça suffit. Moi, je suis occupé de réparer mon avion. Dans 5 jours, je suis mort si j'y arrive pas. » Et le petit prince lui dira « Tu comprends jamais rien. Tu veux même pas savoir ces choses importantes, là. » Et c'est à ce moment-là que l'aviateur va craquer. Il va dire « Bon, ok, d'accord. Il y a un petit garçon, là, qui est à côté de moi, qui est présent en moi, qui est en train de pleurer. Je ne peux pas faire semblant qu'il n'existe pas. » C'est à ce moment-là que le lecteur va commencer à découvrir l'histoire du petit prince. Et cette histoire qui part donc d'une régression, qui parle d'une régression, va se muer en itinéraire initiatique. Alors c'est un petit peu compliqué parce que c'est un double itinéraire. L'histoire du petit prince, c'est l'histoire d'une rencontre entre l'aviateur et le petit prince, qui sont tous les deux sur un cheminement personnel. Pour vous remettre les choses en mémoire, le petit prince habite sur une toute petite planète, il est tout seul, bien tranquille, avec ses petits volcans, et qu'il ramène tous les matins, etc. Quand tout à coup surgit une rose. Une image de la féminité de manière générale, qu'on interprète parfois comme une image de Consuelo, la femme de Saint-Exupéry, la femme légitime de Saint-Exupéry, mais avec qui il était relativement brouillé à cette époque-là, à l'époque de la publication du Petit Prince, ou comme la mère de Saint-Exupéry, avec qui il a toujours entretenu une relation très forte. Il faut savoir qu'il a perdu son père à 3 ans, il a donc été l'homme de la famille très tôt, et c'est vrai qu'on trouve dans sa correspondance une tendresse assez inhabituelle, en tout cas pour notre génération, ou pour les génération qui nous précède, mais pas pour celle de Saint-Exupéry, je crois. Et puis il y a des choses étonnantes, comme quand il parle de Vol de nuit à sa mère, il lui dit « Voilà, je suis en train d'écrire un roman qui s'appelle Vol de nuit, qui parle d'aviation, mais en fait c'est un roman sur la nuit. Et en fait c'est un roman qui parle de vous, parce qu'il vous voit sa mère. Parce que ce qui m'a appris l'immensité, c'est pas les étoiles, c'est pas l'aviation, c'est le second lit de votre chambre, où j'étais lorsque j'étais malade. » Il y a donc quelque chose là, effectivement, d'une relation assez inhabituel entre Saint-Exupéry et sa mère, une relation extrêmement forte. Et donc c'est assez facile d'orienter son regard là-dessus et de se dire, ben voilà, j'en ai la clé du petit prince. C'est finalement une histoire qui parle d'un homme qui n'a jamais su faire le deuil de sa mère et de la relation fusionnelle qu'on a avec sa mère quand on est petit enfant et qui en est resté là toute sa vie. On peut aussi l'interpréter de manière plus générale, et pour les lecteurs qui lisent par dizaines de millions cette œuvre à travers les décennies, comme simplement un surgissement de l'altérité. Elle est féminine, elle est végétale, etc. La rose est quelque chose qui survient de l'extérieur, venu dans ses eaux et qui vient le perturber. C'est ça qui va faire qu'il va partir en voyage avec une migration d'oiseaux sauvages. Il va rencontrer ces personnages que l'on a tous en mémoire, je crois, le businessman, la lumeur de réverbère. Et chaque fois qu'il va les croiser, son côté impertinent, infantile, agaçant parfois, surtout quand on tire des citations du Petit Prince, c'est très énervant quand on cite ça dans les mariages, parce que c'est tellement mièvre. Et justement, Le Petit Prince est un livre qui vous met ça en face du visage, qui vous dit, eh bien oui, c'est mièvre, mais c'est comme ça la vie. Et l'amour, c'est comme ça. Et si tu ne veux pas l'accepter, c'est pas parce que c'est mièvre et que c'est minable et que l'amour n'est pas comme ça, c'est parce que t'es trop gros et trop bête et trop vieux et que tu veux pas l'accepter. Pour moi, c'est de ça que parle Le Petit Prince. Et donc, il va se confronter à tous ces personnages. Et c'est ça qu'il va leur dire à tous, vous êtes tous des champignons, vous pensez qu'il y a une seule chose, c'est vous-même, et votre logique est stupide, elle vous amène nulle part. Ensuite, il va tomber sur la Terre, il sera très étonné, il va dire c'est une trop grande planète, elle est toute sèche, toute pointue, toute salée. Il va faire une série de rencontres, dont la rencontre avec le renard, avec cette fameuse... C'est là qu'il y a la leçon morale, en quelque sorte, du petit prince, où le renard va lui dire, ben voilà, tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Et donc les liens qui te lient, toi, à cette rose qui est à des milliers de kilomètres de toi, sont plus forts que tout ce qui peut t'entourer, que tout ce que tu pourras rencontrer dans ta vie. C'est là qu'est le cœur de ta vie, c'est pour ça qu'il devra y retourner d'ailleurs. Et puis il va rencontrer un dernier personnage, l'aviateur, auquel il va essayer de transmettre en quelque sorte tout ce qu'il a appris. Et donc le petit prince suit lui-même une forme d'initiation qui l'aide à revenir chez lui en quelque sorte, à revenir sur cette petite planète. Il meurt à la fin. En tout cas, c'est une mort déguisée, une mort problématique, on ne sait pas très bien. Lui-même dit, tu verras, j'aurai l'air d'être mort, mais ce ne sera pas vrai. L'aviateur n'en est pas moins bouleversé pour le reste de son existence. Et il va rencontrer l'aviateur qui est lui-même dans un cheminement comme celui-là, et qui va avoir besoin de recevoir en deuxième main toute l'histoire du petit prince pour finalement accepter, se rendre à la vie du renard. C'est au moment où il dira, bah, ça y est, j'ai compris. Je peux relier ça avec mon vécu propre. Je peux abandonner, en quelque sorte, mes préjugés rationnels et accepter de partir à la recherche d'un puits dans le désert. Alors ça résonne très fort avec la vie de Saint-Exupéry. Je je l'ai dit, il est parti dans une direction complètement farfelue. Alors, pour lui, il dit, voilà, il avait un ami, Guillaumet, qui s'était craché dans les Andes quelques années auparavant, et qui avait suivi la direction nord-nord-est, qui avait marché sans s'arrêter 3 jours et 5 nuits à travers des montagnes à plus de 6000 mètres, et qui avait réussi à s'en sortir en disant, à un moment, je me suis couché, j'ai voulu me laisser mourir, et puis je me suis dit, si je reste là, on ne trouvera pas mon corps, ma femme n'aura pas l'assurance-vie. Donc je vais continuer jusqu'à un endroit où on me trouvera. Et c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Et Saint-Exupéry parle du même genre de choses, c'est-à-dire il ne pense pas à sa propre mort, il pense aux gens qui vont l'attendre, qui ne vont jamais savoir quoi finalement. Et dans la folie de la soif, en quelque sorte, il va prendre la direction du nord-est en pensant à son ami Guillaume. Donc en vertu d'une vieille amitié qui le lie, qui le relie au monde de la vie. Et c'est là qu'il va trouver miraculeusement la vie, qu'il va trouver de l'eau. Dans un des épisodes les plus célèbres de son œuvre. C'est ce qui va se passer aussi avec les petits princes, de manière beaucoup plus imagée, beaucoup plus merveilleuse. Ils vont trouver un puits, par hasard, même si l'aviateur aura dit « ça ne sert à rien de partir comme ça dans le désert à la recherche d'un puits, il n'y en aura pas ». Mais il se rend finalement à la vie du petit prince par affection pour lui. Et ils vont tomber sur un puits dont il dit clairement qu'il n'est pas vrai. C'est un puits de village en pierre, ils ne sont pas comme ça dans le Sahara. Ils vont boire de cette eau tous les deux, et alors va se produire quelque chose. C'est-à-dire que, sans que l'on sache vraiment pourquoi, le petit prince va à ce moment-là décider de repartir vers sa planète, dont il est tombé sur Terre un an auparavant, c'est la fin d'un cycle, et l'aviateur va réussir, comme ça, par miracle, à réparer tout à coup son avion et à repartir vers celui-là. Donc le texte nous dit qu'il s'est produit quelque chose, cette rencontre a donné lieu à un véritable échange, à une reconnaissance de ces deux instances qu'on peut interpréter comme deux instances d'une même personnalité. C'est finalement de ça que parle le petit prince, d'un dialogue intérieur, et chacun retourne chez soi. Et donc le lecteur est un petit peu, je ne vais pas dire sur sa fin, mais l'interprétation est problématique. Beaucoup de gens disent, vous voyez bien que cette rencontre n'a pas marché. Saint-Exupéry n'a pas réussi à intégrer sa part infantile et à continuer. Il a envoyé paître, c'est le cas de le dire, avec un mouton sur son astre. Et d'autres vous diront, mais non, mais c'est ça qui est magnifique. Le petit prince n'est plus là, mais c'est son absence elle-même qui donne un sens au monde. Alors si on se penche sur le texte lui-même, sachant que la loi du genre, la loi du conte veut qu'il y ait une morale à la fin, et qu'on va voir à la fin du texte, je n'ai pas l'image ici, j'aurais dû prendre un exemplaire du Petit Prince à faire circuler, elle se termine par ce qu'on pourrait appeler une forme vide, c'est-à-dire deux traits au pinceau surmontés par une petite étoile, un paysage vide et tracé de manière vraiment minimaliste. Et puis c'est hors texte, mais il y a encore un petit explicatif qui vous dit « ça pour moi c'est le plus beau et le plus triste paysage du monde ». C'est là qu'est apparu le petit prince, c'est là qu'il a disparu. Et donc, au lieu de vous donner une morale édifiante, hein, comme dans le petit chaperon rouge par exemple, ce genre de conte-là, une morale qui ressemblerait bien fort à ce que le narrateur a subi dans au premier chapitre, qui dit « on m'a dit arrête avec les dessins, apprends à écrire, apprends à lire, apprends à la géographie, etc. », on nous propose de contempler une image. Ce qui n'est pas innocent, évidemment, par rapport à la forme du petit prince. Le petit prince n'apparaît que dans les images. Il n'y a aucune image. Enfin, le petit prince a pour lui seul le monde des images. Il n'y a aucune image où apparaît l'aviateur. J'aurais pu vous les montrer. Saint-Exupéry a fait des croquis sur lesquels il apparaît dans l'histoire du petit prince. Il ne les a pas choisis. Il ne les a pas mis dans le livre. Ce qui montre bien qu'il y a une séparation là entre les deux. On vous dit donc contempler cette image. Et si le livre a marché, si vous avez bien compris la morale de l'histoire, vous devriez voir que ce paysage est beau et triste. Alors ce qui est frappant évidemment quand on arrive au bout du texte, c'est que ce qui vous touche en tant que lecteur, si vous avez marché, si vous avez été pris par l'histoire, c'est justement ce qui manque dans cette image. Ce qui manque, c'est le petit prince. Il n'est plus là. Et donc, c'est un livre qui vous invite à trouver une raison de donner un sens à la réalité à partir d'une absence. L'absence de l'enfant que vous avez été et qui n'est plus là. Et à la question de savoir, finalement, est-ce que cette initiation a marché ou pas? Est-ce que finalement, en envoyant le petit prince dans les étoiles, on s'est débarrassé de sa part d'enfance, ou est-ce qu'on a pu l'intégrer? Eh bien, pour moi, c'est le conte lui-même qui répond. C'est-à-dire, lorsque vous avez terminé, vous refermez le livre, vous avez devant vous la couverture du petit prince, qui vous montre donc que, si on prend la partie Saint-Exupéry, oui, un aviateur, un homme, un intellectuel engagé, un des plus importants de son temps, a écrit ce livre. Il a posé ses outils d'aviateur, il a posé sa plume d'écrivain engagé, il a pris ses aquarelles de petit enfant, et il a créé ce conte. Et si vous-même, vous avez fait le choix de le lire, et si vous vous êtes laissé emporter, vous aussi, vous avez abandonné pour un moment vos occupations d'adulte, les urgences de la vie quotidienne, qui sont infiniment importantes, évidemment, mais qui peuvent s'arrêter un instant pour refaire vivre cette absence qui est en chacun de nous une fois qu'on a grandi, c'est celle de l'enfant que l'on a été, qui peut sembler être simplement un passé, mais auquel on peut donner aussi un avenir, l'avenir des images vivantes dont on va pouvoir couvrir le monde à partir de son âme d'enfant. Alors, il y a une autre preuve que ça a pu fonctionner, c'est le fait que, en plus de littérariser un mythe, de littérariser une figure archétypale, celle de l'enfant divin, Le Petit Prince est devenu un mythe littéraire. Ce qu'on appelle un mythe littéraire ou un mythe littéraire moderne, c'est un mythe qui a un lieu de naissance défini, comme par exemple celui de Don Juan ou de Peter Pan, mais qui va ensuite être repris. Il va y avoir une matrice narrative, un certain nombre de personnages, d'images, de lieux récurrents, qui vont servir à des réexploitations littéraires, cinématographiques, etc. Si je parle de Peter Pan, je pense que vous pouvez tous imaginer des images du dessin animé de Walt Disney, par exemple, des images des films récemment qui ont été faits autour de l'auteur, enfin tout ça reprend la matrice de Peter Pan pour en faire de nouveaux récits. C'est le cas aujourd'hui avec Le Petit Prince. Alors, selon les cas, c'est plus ou moins éloigné de l'original, c'est plus ou moins réussi aussi. Ça s'adresse à un public parfois très différent. Les dessins animés, c'est clairement un public infantile. Et à part la matrice vraiment la plus restreinte, Petit Prince, Renard, voyage de planète en planète, il n'y a pas énormément de choses qui restent. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus proches. Alors, je vais en faire circuler, pour terminer cet exposé, deux. Alors, la première, c'est pas tout à fait une réécriture du Petit Prince, mais Le Petit Prince y apparaît. C'est une BD donc d'Hugo Pratt, qui est apparue en 1994 à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Saint-Exupéry, et qui revisite les dernières heures de sa vie, son dernier vol à bord d'un P-38 Lightning américain, à bord duquel il a été abattu, ou alors il s'est crashé tout seul, c'est pas très bien. Et pendant ces dernières heures de vol, il entre en dialogue en fait avec les personnages de son œuvre d'écrivain. Le premier étant Le Petit Prince, que Pratt va décider de dessiner, vraiment en décalquant carrément, bon, je ne voyais pas très bien ici, mais je vais le faire circuler, Le Petit Prince, c'est vraiment une décalque de son apparence sur la couverture. Alors, le parti pris de Pratt, à mon avis, est intéressant. C'est-à-dire que dans chacun des livres de Saint-Exupéry, on sent qu'il y a un dialogue qui s'engage. Parfois, c'est assez ténu. Dans Le Petit Prince, c'est très clair. Et donc, en faisant entrer Saint-Exupéry en dialogue avec Le Petit Prince, mais aussi avec l'homme qu'il a été quand il avait 35, 30, 25, 20 ans, il avait là, je pense, une idée assez réussie. Par contre, l'ouvrage en lui-même me semble assez raté, autant dire comme ça. Notamment parce que il donne à tout cela une apparence trop mièvre et trop littérale, c'est-à-dire que les choses se disent de manière beaucoup trop explicite pour avoir la même charge émotionnelle que dans Le Petit Prince, par exemple. Évidemment, je vous juge de tout ça, je vous laisse. Alors, une autre tentative, beaucoup plus proche du Petit Prince et à mon avis plus réussie, c'est celle de Johann Sfar, donc l'auteur du Château Rabbin, par exemple, notamment, qui, lui, a carrément fait une BD de l'histoire du Petit Prince, mais en la suivant de manière assez fidèle, d'épisode en épisode, en tout cas sa trame narrative est respectée. Alors, il y ajoute de son inventivité graphique, vous voyez que Le Petit Prince a un visage particulier. Mais ce qui est assez intéressant dans ce livre, c'est que non seulement, bien qu'il soit très proche de l'original, il a une autre dimension parce que Sfar prend un point de vue extérieur, c'est-à-dire qu'il va représenter dans ses images Saint-Exupéry, dont je trouve qu'il le dessine très bien d'ailleurs, et va lui donner donc une apparence plus paternelle avec Le Petit Prince, ce qui donne une logique assez différente en fait à l'histoire, et permet de la voir d'une manière nouvelle, et je pense avec la même, pas loin de la même réussite que Saint-Exupéry. Donc voilà, je vous fais circuler aussi, et si ça vous intéresse, ben, je vous invite à y retourner. Le retourne donc. Je vais vous remercier de m'avoir écouté. C'était un plaisir de pouvoir vous parler d'une de mes passions, Saint-Exupéry et Le Petit Prince. J'espère que ça vous aura donné envie d'y retourner et de le relire, et que quand vous verrez cette fameuse image qui est en quelque sorte la morale de l'histoire, vous penserez un petit peu à cette conférence en vous disant ben oui, en fait ça marche. Ou alors vous direz ben non, ça marche pas, c'est pas pour moi. Ça, c'est votre liberté d'écrire. Merci pour votre attention.